Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus, téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. J'ai voulu raconter d'autres vies que la mienne. Celle de gens pris dans la vague du tsunami de 2004. Celle de gens qui ont longtemps et très tôt cohabité avec le cancer. Celle de gens qui courent après les crédits sans savoir comment les rembourser. Celle de gens qui savent s'aimer. De gens qui, sans le savoir, parfois sans même connaître, m'ont guidé et éclairé dans le difficile métier de vivre. D'autres vies que la mienne, d'Emmanuel Carrère. Adaptation de François Cuel. Quatrième épisode. Nous sommes tous les huit dans l'escalier du juge unijambiste. L'immeuble, ancien, bourgeois, se trouve dans une rue piétonne qui débouche sur la gare de Perrache, et je pense que ce sera commode pour repartir. L'escalier est en pierre, étroit, il n'y a pas d'ascenseur. Je trouve cela bizarre pour un unijambiste, mais on s'arrête au premier étage. On sonne, on ouvre, chacun à son tour franchit le seuil en se présentant et en serrant la main du maître de maison qui, la minuterie de l'escalier s'étant éteinte, ne voit pas qu'il reste encore quelqu'un sur le palier et me ferme la porte au nez. Je ne sais pas pourquoi, je trouve drôle, et lui aussi, que mes relations avec Étienne Régal aient commencé ainsi. Je ne sais pas pourquoi non plus, je m'étais figuré le juge unijambiste, célibataire, vivant dans un appartement minuscule et sombre, encombré de dossiers poussiéreux, peut-être sentant le chat. Mais non, l'appartement était spacieux, clair, avec de beaux meubles bien entretenus, et il n'y avait pas besoin de jeter un coup d'œil par la porte entrouverte d'une chambre d'enfant pour sentir qu'il était habité par une famille. Femme et enfant, cependant, avaient dû être priés d'aller se promener. Étienne nous recevait seul, petite quarantaine, grand, bien bâti, en jean et t-shirt gris. Des yeux très bleus, à fleur de tête, derrière des lunettes sans monture. Il a dit « J'ai vraiment très peur, vous savez. J'ai peur de vous décevoir, j'ai peur aussi de me rendre ridicule. Je n'ai rien préparé. Hier, j'ai essayé de faire dans ma tête une espèce de discours en dressant la liste des choses que je voulais aborder, et puis je n'y suis pas arrivé, j'ai laissé tomber. De toute manière, je ne suis pas bon pour ça. Alors, je vais dire ce qui me vient. Il y a une chose dont je crois que vous n'avez pas conscience et que je voudrais que vous compreniez. C'est que Juliette était un grand juge. Vous savez, bien sûr, qu'elle aimait son métier, qu'elle le faisait bien. Vous devez penser qu'elle était un excellent magistrat. Mais c'était plus que ça. Pendant les 5 ans où nous avons travaillé ensemble au tribunal de Vienne, elle et moi, nous avons été de grands juges. Cette phrase m'a alerté. Cette phrase et sa façon de la dire. Il y avait une fierté incroyable, quelque chose d'inquiet et de joyeux à la fois. Je reconnaissais cette inquiétude. Je reconnais ceux qu'elle habite de dos, dans une foule, dans le noir. Ce sont mes frères. Mais la joie qui s'y mêlait m'a prise au dépourvu. On sentait que celui qui parlait était un type émotif, anxieux, perpétuellement tendu vers quelque chose qui lui échappait et qu'en même temps ce quelque chose, il l'avait, qu'il était établi dans une confiance imprenable. Pas de sérénité, pas de sagesse, pas de maîtrise, mais une façon de s'appuyer sur sa peur et de la déployer. Une façon de trembler qui m'a fait trembler moi aussi et comprendre qu'un événement était en train de se produire. Au tribunal de Vienne, Juliette et Étienne s'occupaient surtout de droits du surendettement et de droits du logement, c'est-à-dire d'affaires où il y a des puissants et des démunis, des faibles et des forts, même si souvent c'est plus compliqué. Et ils aimaient que ce soit plus compliqué, qu'un dossier ne soit pas une série de cases à remplir, mais une histoire, et ensuite un exemple. Juliette n'aurait pas aimé qu'on dise qu'elle était du côté des démunis. Ce serait trop simple, trop romantique. Surtout, ce ne serait pas juridique, et elle restait obstinément juriste. Elle aurait dit qu'elle était du côté du droit, mais elle est devenue, ils sont devenus tous les deux des virtuoses dans l'art d'appliquer vraiment le droit. Pour cela, ils étaient capables de passer des dizaines d'heures à éplucher un plan de remboursement, capables de dénicher une directive à laquelle d'autres n'auraient jamais pensé, capables de saisir la Cour de justice des communautés européennes en démontrant que l'addition des taux d'intérêt et des pénalités pratiquées par certaines banques dépassait le taux d'usure et que cette façon de saigner les gens n'était pas seulement immorale, mais illégale. Leurs jugements ont été publiés, discutés, attaqués avec violence. Ils ont été insultés dans le Dalloz. Dans le monde de la justice, en France, au début du XXIe siècle, le tribunal d'instance de Vienne a été un endroit important, une sorte de laboratoire. On se demandait ce qu'ils allaient encore sortir de leur chapeau, les deux petits juges boiteux de Vienne, parce qu'il y avait cela aussi, bien sûr. Ils étaient boiteux, tous les deux rescapés d'un cancer à l'adolescence. Ils s'étaient reconnus dès le premier jour, entre bancroches, entre gens dans le corps de qui il s'est passé cela, que personne ne peut comprendre s'il ne l'a vécu. J'ai appris à connaître, depuis, la façon de penser et de parler d'Étienne, par association libre, qui doivent plus, j'imagine, à l'expérience de la psychanalyse qu'à l'enseignement de la faculté de droit. Mais lors de cette première rencontre, je me perdais dans ces brusques passages d'un point de technique juridique à un souvenir qui pouvait être très intime sur son handicap, ou sur celui de Juliette, sur la maladie de Juliette, ou sur la sienne. Le cancer les avait dévastés et construits, et quand il était revenu s'attaquer à Juliette, il avait fallu qu'Étienne l'affronte de nouveau. Une place s'était creusée que ne pouvait occuper auprès d'elle ni Patrice, ni la famille, mais lui seul. Et c'est de cette place qu'il nous parlait. Pour nous dire quoi? Pas de bonnes paroles. Pas que Juliette était courageuse, ni qu'elle s'était battue, ni qu'elle nous aimait, ni même qu'elle était morte heureuse. Tout cela, d'autres pouvaient nous le dire. Lui parlait d'autre chose, qui lui échappait, qui nous échappait, mais remplissait le salon ensoleillé d'une présence énorme, écrasante, pas triste pour autant. J'ai senti que cette présence me faisait signe à un moment précis, quand il a évoqué l'expérience pour lui fondatrice de la première nuit. La première nuit qu'on passe à l'hôpital, seul, quand on vient d'apprendre qu'on est très gravement malade, que de cette maladie on va peut-être mourir et que c'est cela, désormais, la réalité. Quelque chose se joue à ce moment qui est de l'ordre de la guerre totale, de la débâcle totale, de la métamorphose totale. C'est une destruction psychique. Cela peut être une refondation. Je ne m'en rappelle pas plus. Mais ce que je me rappelle, c'est qu'au moment de prendre congé, tandis qu'à tour de rôle, dans le vestibule, nous lui serrions la main, il s'est adressé à moi. À aucun moment il n'avait manifesté qu'il me connaissait comme écrivain, mais là, devant tout le monde, les yeux dans les yeux, il m'a dit « Vous devriez y penser, à cette histoire de la première nuit. C'est peut-être pour vous. » La nuit suivante, la première après la mort de Juliette, j'ai repensé à ce qu'Étienne nous avait raconté et l'idée m'est venue de le raconter à mon tour. J'ai eu par la suite beaucoup de doutes sur ce projet. Je l'ai abandonné pendant 3 ans en croyant n'y revenir jamais. Mais cette nuit-là, il m'est apparu comme une évidence. On m'avait passé une commande. Il suffisait de répondre oui. Couché contre Hélène, endormie, je m'exaltais à l'idée d'un récit bref, quelque chose qui se lirait en 2 heures, le temps que nous avions passé chez Étienne, et qui ferait partager l'émotion que j'avais ressentie en l'écoutant. Ce programme, sur le moment, m'a paru très circonscrit, très réalisable. J'ai parlé à Hélène de mon projet. Je craignais qu'elle soit choquée. Sa sœur, que je n'avais pas connue, venait de mourir, et hop, je décidais d'en faire un livre. Elle a eu un moment d'étonnement, Puis elle a trouvé que c'était juste. La vie m'avait mis à cette place, Étienne me l'avait désignée, je l'occupais. Le lendemain, au petit déjeuner, Hélène a ri. Vraiment ri. Je te trouve drôle. T'es le seul type que je connaisse capable de penser que l'amitié de deux juges boiteux et cancéreux qui épluchent des dossiers de surendettement au tribunal d'instance de Vienne, c'est un sujet en or. En plus, ils couchent pas ensemble et à la fin, elle meurt. J'ai bien résumé. C'est ça l'histoire. J'ai confirmé. C'est ça. Cela se passait ainsi. Je prenais le train à 8h à la gare de Lyon. J'étais à 10h à Perrache et un quart d'heure plus tard, je sonnais à la porte d'Étienne. Il faisait du café. Nous nous attablions dans la cuisine, face à face. J'ouvrais mon carnet et il commençait à parler. Quand j'étais venu vers lui, le jour de l'enterrement, pour lui dire que je voulais écrire son histoire et celle de Juliette et qu'il allait falloir maintenant que nous parlions, Étienne n'avait marqué aucune surprise, juste sorti son agenda et proposé une date, le vendredi 1er juillet. Nous étions engagés dans un projet commun. Ce projet impliquait qu'il me raconte sa vie et il n'a jamais fait mystère du plaisir qu'il y prenait. Il aime parler de lui. « C'est ma façon, dit-il, de parler des autres et aux autres. » Et il a relevé avec perspicacité que c'était la mienne aussi. Il savait que, parlant de lui, je parlerais forcément de moi. Cela ne le gênait pas, au contraire. Très tôt, Étienne a su qu'il voulait être juge. On est en janvier 1981, j'ai 23 ans. Je fais mon service militaire comme coopérant en Indonésie. J'y écris mon premier roman. Étienne en a 18, il est en terminale à Sceaux. Il sait ce qu'il veut faire après son bac, la fac de droit puis l'école nationale de la magistrature. Il joue au tennis. Il est encore vierge. Et depuis plusieurs mois, sa jambe gauche lui fait mal. Très mal, de plus en plus mal. Après plusieurs consultations, guère concluantes, on ordonne une biopsie et, quand le résultat tombe, son père conduit Étienne en urgence à l'Institut Curie. Son visage est grave, angoissé. Il ne prononce pas le mot fatal, mais il dit entre ses dents « il y a des cellules suspectes ». Dans une salle en sous-sol, plusieurs médecins sont réunis autour du garçon. « Eh bien, jeune homme, dit l'un d'entre eux, on va essayer de vous garder entier ». Tu ne retournes pas à la maison. Tu restes ici. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas compris? S'étonne son père, bouleversé et se reprochant de s'être mal fait comprendre. Tu as un cancer. Les visites, la présence des familles ne sont autorisées que jusqu'à 8h. Étienne reste seul dans sa chambre d'hôpital. On lui a donné à dîner, un cachet pour l'aider à dormir. Bientôt, on éteint la lumière. Il fait nuit. C'est la première nuit, celle dont il a parlé le jour de notre rencontre, et qu'il essaie cette fois, parce que c'est important, très important, de me raconter en détail. Il est allongé dans le lit, en slip, parce que son père n'avait pas pensé que tout se passerait si vite, qu'on le garderait, et donc pas apporté d'affaires pour la nuit. Il soulève la couverture pour regarder ses jambes. Ses deux jambes qui ont l'air de deux jambes normales, deux jambes d'adolescent sportif. Dans la gauche, dans le tibia de la gauche, il y a ça qui travaille à le détruire. Quelques mois plus tôt, il a lu 1984 de George Orwell. Une scène l'a terriblement marqué. Winston Smith, le héros, est tombé entre les mains de la police politique et l'officier qui l'interroge lui explique que son métier consiste à trouver, pour chaque suspect, ce qui lui fait le plus peur au monde. On peut torturer les gens, leur arracher les ongles ou les testicules, il y en aura toujours qui tiendront le coup, sans qu'on puisse d'avance dire lesquels. Les héros ne sont pas forcément ce qu'on croit. Mais une fois identifiée la peur fondamentale d'un homme, c'est gagné. Il n'y a plus d'héroïsme possible, plus de résistance possible. On peut le mettre en présence de sa femme ou de son enfant et lui demander s'il préfère qu'on lui fasse ça à lui ou à sa femme ou à son enfant. Il a beau être courageux et les aimer plus que lui-même, il préférera qu'on le fasse à sa femme ou à son enfant. C'est ainsi. il existe des horreurs différentes pour chacun qu'on ne peut pas affronter. En ce qui concerne Smith, l'officier a fait son enquête et trouvé. La chose épouvantable, insupportable pour lui, c'est un rat dans une cage qu'on approche de son visage. Et on ouvre la cage et le rat affamé se précipite et le dévore. Ses dents aiguës mordent les joues, le nez, bientôt trouve le morceau de roi, les yeux qu'il lui arrache. C'est cette image qui, la première nuit, s'impose à Étienne. Mais le rat est à l'intérieur de lui. C'est de l'intérieur qu'il le dévore vivant. Il a commencé par son tibia. Maintenant, il remonte le long de sa jambe. Il va se frayer un chemin dans ses entrailles, puis le long de sa colonne vertébrale jusque dans les replis de son cerveau. C'est une image plus qu'une sensation. Curieusement, il ne sent rien. C'est comme si son corps et la douleur, qui pourtant ne le lâche pas depuis des mois, s'étaient absentés. Mais cette image est tellement effroyable qu'Étienne voudrait mourir pour lui échapper. Pour qu'elle ne s'y imprime plus, il voudrait que son cerveau s'éteigne, que tout s'arrête, ne plus exister. Pourtant, au fond de cette horreur, il arrive à se dire « Il faut que je trouve autre chose, une autre image, d'autres mots, à tout prix, pour traverser cette nuit. » S'il traverse cette nuit, quelque chose arrivera qui ne le sauvera peut-être pas, mais qui ne sera pas ça. Le somnifère aidant, il tombe dans un demi-sommeil au fond duquel le rat rôde et ronge. Il se rendort, se réveille, les draps sont trempés de sueur. Et à l'aube, le rat n'est plus là. Il est parti, il ne reviendra plus. À sa place, il y a une phrase. Une phrase qu'il visualise comme si elle était tracée devant lui sur le mur. Cette phrase fulgurante, Étienne ne la prononce pas. Il en prononce d'autres qui me semblent des approximations, des paraphrases. Aucune n'a pour moi le pouvoir d'évidence et d'efficacité dont il parle. Je note dans mon carnet « Les cellules cancéreuses sont autant toi que les cellules saines. Tu es ces cellules cancéreuses. Elles ne sont pas un corps étranger, un rat qui se serait introduit dans ton corps. Elles font partie de toi. Ton cancer n'est pas un adversaire, il est toi. » L'animal qui me ronge, moi, de l'intérieur, c'est un renard. Le rat d'Étienne provient de 1984, mon renard de l'histoire du petit spartiate qu'on étudiait en cours de latin. Le petit spartiate avait volé un renard qu'il gardait caché sous sa tunique. Devant l'assemblée des anciens, le renard s'est mis à lui mordre le ventre. Le petit spartiate, plutôt que de le libérer et se faisant d'avouer son larcin, s'est laissé dévorer les entrailles jusqu'à ce que mort s'en suive, sans broncher. Un jour, je l'ai raconté à Étienne, je suis allé voir le vieux psychanalyste François Roustan. Je lui ai parlé du renard, que j'avais encore l'espoir de chasser en découvrant comment et pourquoi, vers la fin de mon enfance, il s'était logé là, sous mon sternum, pour comprimer et ronger mon plexus solaire. Roustan a haussé les épaules. Il ne croyait plus aux explications ni d'ailleurs à la psychanalyse, seulement à la justesse des gestes. Il a dit « Laissez-le sortir. Laissez-le se mettre en boule, là, sur ce canapé. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous voyez, il est là. Il se tient tranquille. Et quand je suis parti, en me serrant la main, vous pouvez me le laisser si vous voulez. Je vous le garde. » On a commencé tout de suite la chimiothérapie dans l'espoir de sauver sa jambe. Et on l'a sauvé. Il a supporté avec vaillance la plus grande partie du traitement. Ce qu'il ne supportait pas, c'est l'idée de perdre ses cheveux et ses poils. C'était un adolescent inquiet, tourmenté, à la virilité encore mal assurée. Les filles l'effrayaient autant qu'elles l'attiraient. Alors, quand ses cheveux ont commencé à tomber, quant à l'image qu'il voyait encore dans la glace, s'est superposée celle du zombie qu'il allait bientôt devenir, chauve, sans sourcils, sans poils autour du sexe. On avait beau lui assurer que cela repousserait vite, l'angoisse a été trop forte et il a arrêté le traitement. Au bout d'1 an, on l'a déclaré guéri. Il fallait seulement qu'il passe des examens de contrôle tous les 3 puis tous les 6 mois. Il allait à Curie en sortant de ses cours de droit au Panthéon. La salle d'attente était peuplée de cancéreux qu'il regardait avec un véritable dégoût. Un jour, se souvient-il, on a apporté sur un brancard une femme dans un état épouvantable. Elle devait peser 35 kilos, son visage était ratatiné comme par les Givaro. On l'a fait passer en priorité et lui a pensé avec colère. Pourquoi est-ce qu'elle passe avant moi qui ai tellement de choses à vivre dans la vie alors qu'il ne lui reste plus qu'à crever? Il n'avait pas honte de cette dureté. Au contraire, il en tirait fierté. La maladie lui répugnait, les malades aussi, ce n'était plus son affaire. Il avait 22 ans quand c'est revenu. Mal à la jambe, la même, au point de ne pas dormir, de ne marcher qu'avec difficulté. À Curie, le verdict est tombé, cancer du péroné. Il fallait amputer et le plus vite possible. Les médecins proposaient, comme 4 ans plus tôt, de l'hospitaliser sur le champ, afin d'opérer dès le lendemain. Mais Étienne a été très ferme. Il y avait une fête le dimanche suivant pour les 20 ans d'Aurélie, sa petite amie, et il tenait à y aller. On s'est incliné. Il entrerait à l'hôpital le dimanche soir, l'opération aurait lieu le lundi matin. Il était avec Aurélie depuis 2 ans. Ils avaient eu ensemble leur première expérience sexuelle. Elle était très jolie, très fine. Ils pensent encore aujourd'hui qu'ils auraient très bien pu se marier. Ils se sont allongés tous les deux sur son lit. Il lui a dit « Lundi, on va me couper la jambe ». Et il s'est enfin mis à pleurer. Ils sont restés des heures pendant que la nuit tombait, dans les bras l'un de l'autre, ou plutôt lui dans ses bras à elle, qui le serrait de toutes ses forces. Lui caressait les cheveux, le visage, tout le corps, peut-être même la jambe qui bientôt ne serait plus là. Elle lui disait à voix basse des mots tendres, mais quand il lui a demandé si elle l'aimerait encore avec une seule jambe, elle a été honnête. Elle a répondu « Je ne sais pas ». Il s'est passé une chose étrange la veille de la fête. Étienne a emprunté la voiture de son père sans dire pourquoi, et il est allé dans un sauna de la rue Sainte-Anne se faire un mec. Cela ne lui était jamais arrivé avant, ne lui est jamais arrivé après. J'ignore si le précédent paragraphe figurera dans le livre. Étienne a été clair, tout ce que je te dis, tu peux l'écrire. Je ne désire exercer aucun contrôle. Cependant, je comprendrai très bien qu'en lisant le texte avant publication, il me demande de passer cet épisode sous silence. Par égard pour les siens, plus que par honte. Car je suis certain qu'il ne lui inspire pas de honte. C'est un acte étrange. Que lui-même s'explique mal, ce n'est en rien une mauvaise action. Même une mauvaise action, cela dit, je pense qu'il n'en aurait pas honte non plus. Ou bien ainsi, il en aurait honte, mais il jugerait cette honte bonne à dire, elle aussi. Il dirait simplement « Je l'ai fait, j'en ai honte, cette honte fait partie de moi, je ne vais pas la renier. » La phrase « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger » me semble être, sinon le dernier mot de la sagesse, en tout cas l'un des plus profonds. Et ce que j'aime chez Étienne, c'est qu'il le prend à la lettre. C'est même ce qui, selon moi, lui donne le droit d'être juge. De ce qui le fait humain, pauvre, faillible, magnifique, il ne veut rien retrancher. Et c'est aussi pourquoi, dans le récit de sa vie, je ne veux, moi, rien couper. Note d'Étienne en marge du manuscrit. Pas de problème, tu gardes. C'était « D'autres vies que la mienne » d'Emmanuel Carrère. Adaptation de François Cuel. Avec Vincent Schmitt, le narrateur, Candice Lartigue, Hélène, Frédéric Pierrot, Étienne, Pauline Moinjon, Aurélie. Prise de son, montage et mixage, Manuel Couturier et Bastien Varigaud. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, François Christophe.